vain objet qui lassait. Je m'en vais vous laisser, car je ne veux rien d'autre que la nature pour hôte. Tant le cœur est profond qu'il s'émeut d'un violon, tant l'âme est indolente qu'elle s'ouvre souriante. Je vais comme l'eau lente qui murmure tout bas, loin de la vie violente. Ma vie s'en va. Tant le cœur est profond qu'il s'émeut d'un violon, quand paraît le matin, il s'attendrit d'un rien. Tant l'âme est indolente qu'elle s'ouvre souriante au soleil qui rougeoie au rayon de sa joie. Je vais comme l'eau lente qui murmure tout bas, loin de la vie violente. Ma vie s'en va. Tant l'âme est patiente qu'elle suit cette eau lente, comme la feuille au vent de l'aurore au couchant. Tant le cœur est profond qu'il vient se ranimer au son d'un violon comme aux vertes années. Je vais comme l'eau lente qui murmure tout bas, loin de la vie violente. Ma vie s'en va. Ma vie s'en va.